Le personnel et la direction de la société sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Ils vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolboum-Sesny, au numéro de téléphone 418-276-8080. L'équipe de Polaire 3 profite des moments pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle. Que l'année qui débute vous apporte paix, bonheur et prospérité. Polaire 3, situé au 373 Avenue de la Friche à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-5018 ou encore polaire3.com et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Pour tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolboum-Sesny, au numéro de téléphone 418-276-9383 ou le remorque2000.com. Annie Veilleux, le plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Bon, on va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant du classement POC. Comme à toutes les semaines, on va continuer notre bonne vieille habitude. Donc, au niveau Bantam, les Rapides de Dolboum-Sesny occupent le 49e rang. Les Hurricanes de Mastouillage sont en 55e rang. Et les Ambassadeurs de Chipogamo occupent le 93e rang. Niveau Midget, les Castors de Dolbeau sont au 7e rang. Le Marcos Pop de Saint-Félicien occupe le 10e rang. Les Ambassadeurs de Chipogamo occupent le 106e rang. Et au niveau junior, les Épervier de Normandin sont au 18e rang. Et les Sabres de Robertval au 21e rang. Maintenant, au tournoi Atom de Chicoutimi. Hier, il y avait des matchs qui nous intéressaient. D'abord, les Vultures de Chicoutimi ont gagné 3-1 chez les Braves de la Baie. Victoire également en catégorie Atom A des Patriotes de Saint-Bruno 3-1 sur le National de la Baie. Atom B, Lyon d'Alma 2, Pingouin de Jonquière 0. Atom A, Blue Jacket de Jonquière 2, Cougar de Chicoutimi 2. Et les Flames de Jonquière ainsi que les Condors d'Alma se sont livrés un verdict nul de 0-0. Et les Lynx d'Alma ont défait les Titans de la Baie 7-3. Et au curling, hier, il y avait des matchs qui nous intéressaient. La formation de Emilia Gagné du Riverbend d'Alma qui compte dans ses rangs. Émilie Perron de Dolboum-Sesny a gagné hier contre la formation d'Isabelle Fleury. Néanmoins, cette formation est quand même éliminée. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com. On parle évidemment de Didier Drogba. Il n'est pas encore décidé la situation avec Drogba. C'est pas clair vraiment cette situation-là. Et Michael Godreau des Ambassadeurs de Chipogamo vient nous parler de la saison des Ambassadeurs. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.